J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Zikactu, votre émission sur l'actualité musicale. Et ce soir donc, on fera un spécial actualité musicale. Finalement, c'est pas si spécial, c'est le thème de l'émission, mais avec toutes les exceptions. Comme il y en aura une la semaine prochaine, par exemple, sur la Saint-Valentin, et bien finalement, on n'a plus trop le temps de parler d'actualité avec tous ces ping-pong et tout ça. Mais c'est ça qui est chouette. Donc cette semaine, on va parler d'actualité musicale et y a plein de choses, il y a plein de belles choses qui sont sorties. On commence tout de suite avec un groupe que j'apprécie beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, ils avaient sorti juste un petit titre isolé, mais là c'est encore un titre isolé, on n'entend pas spécialement parler d'album. C'est les Naive New Beaters, c'est un faux groupe américain qui vient quand même bien de la France et qui fait un featuring cette fois avec Izia pour un titre qui s'appelle Heal Tomorrow. Donc voilà, c'est un single et c'est un vrai single qui fait danser. Poussez les meubles, c'est parti, on écoute les Naive New Beaters avec Izia. Today you heard me. Gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you heard me. Gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you heard me. Gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you heard me. Gonna heal tomorrow. Melting like a sand castle in the wind. You couldn't focus. Rotting way too hard just to keep the donuts. We shut it down. Had to shed some black nail back in jail. C'était donc les Naive New Beaters avec Izia pour ce morceau, Heal Tomorrow. J'espère encore une fois que ça annonce un album à venir. Alors peut-être dans un style un peu plus hip-hop, parce que c'était aussi le côté hip-hop que j'aimais bien dans les Naive New Beaters. Mais pourquoi pas, voilà, un petit morceau, je me disais, un petit morceau électro-funky, là, comme ça, pour commencer cette émission. Je suis sûr que ça vous a mis dans le train. Voilà, et le featuring, c'était avec Izia, vous savez, Izia Higelin, la fille d'Higelin et la sœur d'Arthur H, la demi-sœur même, peut-être, je crois, pour être exact, si vous voulez tout savoir de leurs affaires de famille. Izia qui chantait Je suis la vague qui vous ramène dans son dernier album, on l'avait passé. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous êtes déjà au courant. On continue, cette fois, on part en Angleterre avec un groupe de rock alternatif, un groupe qui s'appelle les Tindersticks, qui sort un album qui s'appelle The Waiting Room. Et donc on va écouter le titre Where We Aren't Lovers, un des singles de l'album. Je trouve qu'il y a vraiment un côté Bowie dans la voix, vous me direz ce que vous en pensez, mais vu qu'on est un peu dans la période Bowie, eh bien voilà, je trouvais que c'était bien de le passer, c'est un chouette titre. Les Tindersticks. I'm not afraid to die. little fear and jelly. You're like on the bottom of my fingers. Vous écoutiez les Tindersticks et non pas David Bowie. En effet, moi je trouve qu'il y a quand même un vrai lien de parenté entre ces artistes-là. Voilà, donc Tindersticks, pour situer un peu, c'est un trio qui existe depuis 92, donc les membres ont un peu bougé, mais on a toujours été plutôt sous ce format-là, et voilà, qui en sont une bonne dizaine d'albums. Et bah, ça, c'est le nouvel album qui vient juste de sortir. Pour ceux qui sont spécialistes de cinéma, c'est un groupe qui fait quasiment toutes les bandes-sons des films de Claire Denis, une réalisatrice française. On continue notre petit voyage et cette fois, on va à New York avec un groupe new-yorkais qui lui aussi existe depuis le début des années 90, depuis 93 exactement, c'est Nada Surf, et qui va bientôt sortir son 8e album. On écoute un extrait de cet album. Le titre s'appelle « Cold to Sea Clear ». The house makes the heart. Don't get me started by how hard it is to start or stay on track. Or don't dream or do whether you want or want not to. What I arrived to, the radio took me, the radio made. If it's C'était le nouveau titre de Nada Surf. Ça s'appelait Cold to See Clear et ça sortira donc sur un album qui va s'appeler You Know Who You Are, le 8e album du groupe de pop Nada Surf, pop rock. Voilà, une pop très élégante. Moi, j'apprécie beaucoup ce groupe. Ça se renouvelle pas énormément, mais ça reste toujours très très beau, très très fin en fait, très avec des belles mélodies. C'est bien joué. C'est aussi un trio et vraiment c'est un groupe que je vous conseille dans sa globalité. Faut pas hésiter à écouter les 8 albums d'un coup. Tiens, allez-y, c'est parti après cette émission. Vous écoutez les 8 albums de Nada Surf, vous en avez pour la soirée ça, ou pour la journée si vous écoutez la rediffusion, et vous allez voir, vous passerez un très bon moment. Nada Surf, pour resituer, c'était le groupe qui avait commis ce titre qui a été bien matraqué, on va dire, dans les années 90, qui s'appelait Popular. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce truc-là? Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Voilà, rien que le riff de guitare, vous savez de quoi on parle. C'était un super titre hein, d'ailleurs, mais qui a strictement rien à voir avec le reste de leur carrière. Donc voilà, si vous connaissez Popular, vous ne connaissez pas vraiment Nada Surf. Et ça reste un chouette titre, on l'écoute un peu, tiens. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production, don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends. Voilà, ça reste un titre excellent, moi j'aime beaucoup. C'était sorti en 96 et du coup, depuis, le groupe existe toujours et il fait tout à fait autre chose. Voilà, c'était un bon titre pour la petite info. C'est pas du tout un titre vindicatif avec des revendications fortes. En fait, c'est des règles pour rompre, voilà, pour rompre en beauté. Quand on est un quarterback, quand on est un homme qui a les faveurs des femmes du lycée, par exemple, des filles du lycée. Donc ça, c'était Nada Surf. On reste aux États-Unis avec le chanteur le plus classe du monde. Il s'appelle Andrew Bird, il joue du violon, il siffle comme personne, et oui, il peut avoir la classe en sifflant, c'est sa petite particularité, et il joue de la guitare aussi, et il sort prochainement un nouvel album, c'est Andrew Bird, donc avec, on écoute le titre Capsized. Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon dirty laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise. Holy Ghost religion It's a Holy Ghost religion. Jesus gonna make mine. And when you wake up, another sunrise, another breakup, the ship is capsized. Sortira sur l'album sur un album qui va paraître très prochainement et qui s'appellera Are You Serious. Voilà, c'est très bon, moi je trouve, Andrew Bird. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il avait sorti un autre album l'année dernière, un truc assez étrange, où il jouait du violon. En fait, il improvisait dans un canyon. Ça s'appelait Echolocations Canyon. Alors je vous fais écouter un peu derrière en fond, mais c'était un peu particulier. J'ai hésité à vous le passer. Voilà, j'aime beaucoup cet artiste. Là, pour le coup, c'était vraiment du violon solo avec une reverb donc de Canyon. Faut aimer. C'est beau, faut aimer le violon, mais voilà, ça, c'était un album intéressant. C'était un peu perché, pour être honnête, donc j'ai pas voulu forcément vous le passer, parce que c'est pas le meilleur moyen de rentrer dans l'univers d'Andrew Bird. Voilà, je pense que le titre que vous avez entendu vous a fait pénétrer dans cet univers de bien meilleure manière. Et donc voilà, un artiste qui sait se renouveler, et contrairement un peu à Nada Surf, comme je le disais tout à l'heure, là, voilà, pour le titre que vous avez entendu, j'aimais bien ce côté bluesy, groovy, qu'on n'avait pas spécialement dans les albums précédents. Alors on a hâte d'entendre l'album entier en tous les cas. Et puis un petit message pour Nico d'ailleurs. Merci Nico de passer de temps en temps un titre de Andrew Bird. Voilà, il y a un titre de Andrew Bird qui a rejoint la playlist. Donc vous pouvez entendre cet artiste de temps en temps sur RDB. On reprend le cours de notre émission après ce petit écart par Andrew Bird. Et on va cette fois s'attarder un peu sur le cas de la France, parce que c'est pas si souvent que j'en parle. Mais il y a aussi des groupes en France, comme vous le savez. Et particulièrement, là, ça va être la Maison Tellier qui va nous intéresser, qui est un chouette groupe que j'ai découvert un peu sur le tard, mais qui existe depuis un moment, qui a sorti un album là qui s'appelle Avalanche, qui est un très bel album, et vraiment, c'est un super groupe, je vous le conseille. Et on écoute le titre Amazon, donc un extrait de leur nouvel album Avalanche, c'est la Maison Tellier. Personne n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. Pour reposer l'Amazon, lécher ses hématomes, remettre un peu. C'est du dans la baie. Une lance enflammée, mais où est la beauté? À chaque jour sa peine. Ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie. Blottie au creux des bras. Pour reposer l'Amazon, lécher ses hématomes. Remettre un peu de baume au cœur du cyclone. Caresser du la maison Tellier, donc avec le titre Amazon, extrait de l'album Avalanche qui vient de sortir. Un très beau titre, comme tout l'album en fait. Il y a vraiment cette énergie très particulière qui est valable surtout cet album-là, une profondeur, vraiment un poids particulier avec de beaux textes aussi, ce qui fait du bien. Et puis la présence de la trompette aussi qui rajoute quelque chose vraiment à ce groupe, encore de la profondeur, encore une dimension. C'est vraiment un groupe, une belle découverte là que j'ai faite moi récemment, peut-être que vous connaissez. Il y a eu plein de titres qui sont passés, il y a un titre qui passe sur RDB, un vrai français ou un bon français, je ne sais plus exactement, un titre évidemment au second degré, qui est assez provocateur. Voilà, alors on n'est pas plus dans la provocation, mais c'est vraiment un bel album, Avalanche. On continue avec un autre groupe français, lui aussi, enfin lui vraiment connu, qui va bientôt sortir un nouvel album, et j'espère qu'il vaudra autant le coup que celui de la Maison Tellier. Je parle de Louise Attaque. Louise Attaque, il y a eu déjà quelques singles qui sont sortis, et franchement, je me suis retenu de les passer, parce que voilà, j'avais envie de parler de Louise Attaque, parce que c'est quand même un groupe que j'apprécie, mais là, c'était très très difficile. Bon, là en l'occurrence c'est un peu plus facile d'accès, c'est de la guitare, guitare chant, il n'y a pas de la production dans tous les sens et ça peut être intéressant. On écoute donc le titre Un peu de patience, et donc un peu de patience pour attendre le nouvel album de Louise Attaque qu'on espère bien meilleur que les dernières productions de Gaëtan Roussel. En tous les cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est parti, un peu de patience, Louise Attaque. De patience, comme l'eau coule et se faufile, toutes les absences un jour ou l'autre se défilent. Un peu de courage quand les gens meurent ou se détournent, toutes les pages un jour ou l'autre se tournent. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. visage un jour ou l'autre se tourne. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. Vous écoutiez Louise Attaque avec le titre Un peu de patience. Et bah, ça fait quand même du bien d'entendre un morceau épuré de Louise Attaque après les deux singles qui sont parus. Voilà, bon, personnellement, sa voix me fait plus du tout le même effet qu'à l'époque des premiers albums. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais on verra. On attend l'album en tous les cas. Et puis on verra ce que ça donne. Louise Attaque. Donc un grand retour en 2016. Un autre groupe qui fait son grand retour après 2 ans et demi sans scène, ce qui est rare, très rare dans leur carrière, c'est Dionysos, un groupe de Valence dont je parle de temps en temps. Je vous en avais parlé de cet album qui allait sortir, ça s'appelle Vampire en pyjama. On avait déjà écouté un titre qui était plutôt sympathique. Et l'album est sorti, j'ai entendu un live sur France Inter, c'était mardi dernier. Et c'était un très chouette live. Voilà, c'était exactement en même temps que mon émission Ping Pong avec Sylvain, que j'espère que vous n'avez pas raté. Et ce live était très très bon en fait. Donc vous pouvez le retrouver en podcast, un live de Dionysos. Alors ça joue pas impeccablement, c'est un peu la particularité de Dionysos, c'est qu'on a toujours un petit côté amateur, mais ça reste un groupe avec une sensibilité vraiment incroyable et vraiment un univers très particulier. Et particulièrement le chanteur qui a vraiment une sensibilité propre. Et là, il parle beaucoup de lui. C'est un album très fort où il explique, en gros, il a dû passer assez près de la mort et il a passé un grand séjour à l'hôpital et il s'en est sorti en changeant de groupe sanguin et en ayant un don de cellules de souche. Donc, avec tout l'imaginaire que lui peut mettre derrière ce qui se passe dans sa vie, ça donne un album qui est quand même relativement fort. Malgré qu'il part un peu dans tous les sens. On écoute le titre qui explique un peu tout ça, c'est le titre qui clôt l'album, ça s'appelle Vampire en pyjama, c'est Dionysos. Je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai plus peur des volcans. Je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains. Dionysos est né 2 fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, c'est l'espoir planté sous mes os. Ce n'est pas un conte de fées, mais ça peut y ressembler. Je suis un nouveau-né 40 ans passés. Je ne suis plus un vampire. J'ai brûlé mon pyjama. Dionysos est né 2 fois sous mes os, c'est aussi comme ça. Nouvelle vie qui fleurit, oh, oh, oh. Planté sous mes os, oh, oh, oh. Planté sous mes os. Le cœur net, il est plus gros que la tête. Le cœur Voilà, ça c'était Vampire en pyjama, donc le titre qui clôt l'album. Et donc je vous parlais du passage à l'hôpital de Mathias Malzieu, et donc il en parle. Il y a plusieurs morceaux qui ont été composés à l'hôpital, dont le titre qu'on va écouter après, Hospital Blues. Mathias Malzieu, d'ailleurs j'en profite pour le dire, il écrit toujours un livre en même temps que Dionysos sort un album. Ça porte souvent le même nom, c'est souvent un peu la même histoire, on va dire, en version longue. Et ça c'est vraiment déjà une démarche qui est quand même très intéressante. Et donc voilà, c'est toujours pareil pour cet album. Il y a un livre qui sort en même temps qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama. Et l'album s'appelle Vampire en pyjama. On écoute le titre Hospital Blues. Quand je vous disais que ça part un peu dans tous les sens, je pense que ce morceau est une bonne illustration. Vous allez, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Par exemple sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB. Hospital Blues, Dionysos. Hospital blues, autumn winter's coming on. The nurses all burnt stark, cutting mama vampire girls with smiles. Oh, they fly by night. Fly away by day when I sing from my room. They are coming with smiles. When I lay all day with fever, when I fight all day to stay alive. They are coming on. When I wake up all night, cut all down, burning eyes, they're coming on. They're coming on. They're coming on. Oh. Quelle idée. C'était Dionysos, voilà, avec un titre bien particulier. Je vous conseille fortement d'écouter la version live, donc par exemple sur France Inter, ou d'aller les voir en concert, c'est même encore mieux. Voilà, c'est carrément différent. C'est vraiment voilà, une formation rock. Et du coup, ça donne une toute autre couleur à ce titre. Voilà, même si ça chante un peu faux, faut être honnête. Mais voilà, faut les comprendre aussi. Ils sautent de partout en concert. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, mais ça vaut le coup. Ça saute de tous les côtés. C'est assez impressionnant. En tous les cas, je trouve qu'ils se dégagent quand même toujours une naïveté dans la voix de ce chanteur, de Mathias Malzieu, et qui est plutôt belle à entendre, et une espèce de fougue adolescente où tout est possible. Comme la grosse prod de ce titre qui semble venue d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est intéressant en tout cas. On continue avec un groupe aussi avec un certain sens du groove, dont on a parlé la semaine dernière avec Sylvain, et je voulais revenir un peu dessus, ce qui m'a fait découvrir ce groupe qui s'appelle Lettuce. Et du coup, on n'a pas parlé de l'actualité. En fait, ils ont une actualité, ils ont sorti un album l'année dernière. Et là, ils ont sorti quelques titres supplémentaires, donc là, en ce début d'année. Ça s'appelle Lost in Flight, The Fly Outtakes. Et donc, c'est des morceaux un peu échappés de leur album qui vient de sortir. Et dessus, il y a ce titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Pep and Step. On réécoute Lettuce, je ne sais pas trop comment on prononce, dont on avait parlé avec Sylvain la semaine dernière. Vous écoutez actuellement Letus avec le titre Pep and Step. Et ouais, c'est un bon groupe de groove. Là, ça fait du bien d'entendre ce gros groove américain, cette funk. On va rester avec un Américain, un New-Yorkais, mais qui habite en France aux dernières nouvelles. Il a notamment participé à un album d'Arthur Ashe il y a quelques années. Et là, il revient avec un nouvel album qui s'appelle Martyr Luther King. Et il s'agit de Saul Williams. Et je vous propose d'écouter le titre Think Like They Book Say. C'est un extrait de son dernier album qui est sorti. Donc Martyr Luther King, Saul Williams, qui nous propose un hip-hop expérimental bien barré et qu'on écoute tout de suite. Think Like They Book Say, Saul Williams. C'était Saul Williams avec Think Like the Book Say, un titre qui est assez incroyable, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai beaucoup aimé, en tous les cas l'album est très très bon aussi, l'album tout entier. On reste dans une certaine idée du groove avec le groupe qui suit, c'est Dire Ouf, dont on a parlé la semaine dernière aussi avec Sylvain et qui ont en fait une actu. Ils viennent de sortir un live Alors c'était pas évident de savoir que c'était un live, mais quand on écoute on se rend compte. Ça s'appelle donc Fever 12, 16, 14 si vous voulez retrouver, et on écoute un des derniers titres du live avec aussi une certaine, un certain groove, c'est bien bien perché. J'espère que vous me suivez encore et que je ne perturbe pas trop votre journée ou votre soirée. On écoute Dirouf, ça peut surprendre un peu, c'est parti. Dirouf, voilà, un groupe incroyable comme je vous le disais. C'était un live, voilà, donc ils jouent vraiment ça en concert et c'est un groupe très particulier mais vraiment très très bon. Franchement, c'est exceptionnel, Dirouf. Je vous conseille d'écouter tout ça. On continue avec un groupe de métal pour finir cette émission. Voilà, on est allé assez loin dans les styles, mais c'est ça qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de frontières, pas de barrières dans cette émission, dans Zikactu. Et j'espère que vous n'en avez pas non plus, parce que là, on passe à un groupe de néo-métal, qui était appelé comme ça, comme un groupe catalogué, en tous les cas, dans le néo-métal. C'est Deftones, un groupe dont j'ai perdu un peu la trace depuis 2003, personnellement, mais qui sort toujours quelques albums. Il y a eu un tournant dans le groupe, c'est qu'il y a eu un membre du groupe qui est décédé il y a 2-3 ans. Et du coup, là, c'était forcément un peu compliqué de revenir. Mais ils reviennent là en 2016 avec un album qui devrait s'appeler Gore. Et voilà le premier extrait, Prayers Triangles. C'est Deftones. There's a new strain donc sur Deftones, sur cet extrait du 8e album de Deftones, que s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cet éclectisme ne vous a pas choqué les oreilles, et j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine pour de nouvelles sensations musicales, toutes fraîches ou pas d'ailleurs, parce que la semaine prochaine ce sera une spéciale Saint-Valentin. Voilà, des chansons d'amour comme vous n'en avez jamais entendu. Et la semaine d'après, ça sera certainement l'album du mois. Je vous laisse donc à l'écoute de RDB en vous souhaitant une bonne fin de soirée si c'est le mardi et une bonne fin de journée si c'est le jeudi. À très bientôt, à la semaine prochaine.